rencontré une fille aventurière. Depuis ce jour, je vis l'enfer. Retour aux valeurs de la nature, pouvoir survivre en cas de coup dur. Depuis on mange que des racines, on boit de l'eau de la bibine. Depuis on mange que des racines, adieu vodka, whisky et gin. Fini le gel, verveine, citron, on ne se lave plus qu'avec du savon. À peine un verre pour le rinçage, on ne s'essuie plus pour le séchage. On s'habille bio, mon Dieu, c'est moche. Tricot qui pique, laine qui bouloche. Couleur lavasse, slip, toile de jute, chaussettes en crin, bourrin en rut. Et plus d'avions, à mort, la pollution. Vive le Vélib et ses 3 tonnes. Voilà la pluie, t'as l'air d'une conne. Moi j'aime bien la nature, le bio et les petits oiseaux. Ne croisez pas cet écolo, sinon adieu la bière et le McDo. Moi j'aime bien la nature, le bio et les petits oiseaux. Ne croisez pas cet écolo, sinon adieu la bière et le McDo.